Allez, dernière table ronde pour cette 20e édition de Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique. Alors, dernier sujet à traiter. Pour introduire ce sujet-là, chose rare, je vais citer la tristement célèbre Jeanne d'Auxerre, maire du 8e arrondissement de Paris, qui remerciait le peuple de lui donner de quoi être bien sapé et acheter des fringues. Alors, un autre monde, hein, mais une réalité aussi dans notre idée de consommation et aussi dans le fait que se développe ultra massivement dans le monde ce qu'on appelle, je le répète encore, l'ultra fast fashion. Alors, une déferlante de propositions de vêtements et de collections qui évoluent sans cesse et qui, à peine descendues de l'avion, sont déjà passées de mode. Alors, on parlera dans cette table ronde de savoir-faire, de filières locales, d'emploi et de réemploi. Et pour discuter, ce sont des créateurs que nous recevons et qui s'efforcent de proposer une offre durable, éco-responsable. Alors, Cécile Bayard de Petit Cul, Guillaume Recarbet de Signé Clovis et puis Romain Coll de 909 Upcycling. Bonjour à tous les trois. Alors effectivement, c'est un sujet que l'on va discuter aujourd'hui avec plusieurs entrées et plusieurs tiroirs que l'on va explorer. Mais peut-être la première des choses, ce serait de vous présenter pour savoir en fait qui vous êtes et ce que vous faites. Alors Cécile, allez-y. Bonjour, je m'appelle Cécile Bayard et je suis la fondatrice de la marque Ticu. Chez Ticu, ce qu'on valorise, c'est trois piliers. Donc l'inclusion, puisqu'on fait produire dans un ESAT par des personnes en situation de handicap. L'environnement, puisque notre produit est 100% recyclé, upcyclé, éco-responsable. Et la valeur humaine globale, made in France, voilà. Un peu sur le sujet du jour. Sur le sujet du jour, ce sont des petits coussins prévus pour finalement protéger, se protéger les fesses lorsqu'on s'assoit en randonnée, par exemple. Exactement. Le but de chez Pticus est d'avoir, voilà, de se protéger lorsqu'on pique-nique, de ne pas ressentir ni le froid ni le chaud. Donc c'est complètement isolant. Et avec nos chutes, on fait aussi des glacières de randonnée, des housses de vélo. Voilà, on a un petit panel de produits 100% upcyclés et faits en ESAT. Alors, restons sur le upcycling et notamment 909 Upcycling. Qu'est-ce que c'est, Romain ? Bonjour, merci pour l'invitation. Du coup, je suis Romain Coll, je suis un des deux cofondateurs de 909. 909, c'est une marque qui collecte, qui récupère des toiles de tente et qui les transforme en vêtements et en accessoires. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ces toiles qui étaient inutilisées pour différentes raisons, alors que leurs propriétés techniques étaient encore d'actualité. Du coup, on a décidé de les revaloriser et de construire un vestiaire autour de cette matière technique. Et puis, donc Guillaume Recarbet de Signé Clovis, là du vêtement traditionnel ou non ? Du vêtement traditionnel, du prêt-à-porter même. Moi, l'objectif en créant du coup Signé Clovis, c'était de travailler l'élégance masculine. Donc, mon produit phare, c'est la chemise pour homme. Et du coup, j'ai un éventail d'accessoires, fabrication française naturellement et éco-responsable, donc en utilisant du coton bio et un tout petit peu de matière recyclée pour l'instant. Alors effectivement, des secteurs d'activité, alors quand on parle de upcycling, c'est finalement réutiliser, et quand on parle un peu au niveau de Signé Clovis, c'est de proposer une alternative à cette surproduction que j'annonçais en introduction, c'est-à-dire effectivement cette ultra fast fashion avec des enseignes ou des plateformes comme Shein qui nous inondent finalement de ces textiles, mais tout ça a un lien, hein, parce que peut-être, même si ce n'est pas le cœur de vos activités, il y a aussi cette question de réemploi. Aujourd'hui, quand on parle de production textile et de vêtements « made in France », entre guillemets, qu'est-ce que l'on met en avant ? Guillaume, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Comment vous définissez dans la genèse de votre projet ? La qualité. On met en avant la qualité principalement. Un des freins pour le « made in France », pour acheter de la fabrication française, c'est de considérer que c'est cher comme produit. Mais quand on a consommé et qu'on utilise de la fabrication française, on se rend compte que oui, c'est deux fois plus cher, mais ça dure trois fois plus longtemps. Donc moi, c'est ce que je vais essayer de mettre en avant en choisissant des belles toiles, de la belle épaisseur, quitte à payer de la main d'œuvre française, derrière autant aligner du coton et de la toile qui soit propre, quoi, qui soit belle. Alors, on en viendra tout à l'heure sur ces questions financières, parce que ça, c'est important, parce que là, on parle de produits qui sont destinés à la vente, donc on a le consommateur qui, lui, a le choix de consommer ou pas, et puis ça se fait dans son chemin. cheminement dans, dans sa réflexion. L'idée de, d'utiliser des matières, de ne pas utiliser de nouvelles matières, c'est 909 Upcycling et c'est également Petit Q. Alors si on reste avec vous, Romain, le point de départ, pareil, voilà, quelle a été la genèse du projet, comment ça se développe? Donc la genèse, on est vraiment parti d'un constat, celui que autour de nous, on avait beaucoup de matières disponibles, inutilisées, parce qu'en effet, on est dans des modèles de production de masse, et qui dit modèle de production de masse, dit qu'il y a une partie de ce qui est produit qui au final ne va pas être utilisé, on va récupérer par exemple des produits qui avaient des défauts de fabrication, parce que dans toute activité de production, il y a des défectueux. Et c'est des matières qui, généralement, ont été créées, mais qui n'ont pas été valorisées jusqu'au bout, ce qui est très dommage. Et donc, à partir de ce constat-là, on s'est dit, tant qu'à fabriquer et à créer des vêtements, autant utiliser ce qu'il y a de disponible autour de nous. Nous, on a fait le choix de partir sur les toiles de tente parce que c'était une matière technique intéressante dans le sens où y a des grands métrages de tissu sur une toile de tente. Vous avez à la fois l'extérieur, l'intérieur, il va y avoir différents composants, vous avez des arceaux, des composants en plastique, et du coup ça permet derrière de à la fois créer du vêtement mais aussi de fabriquer des accessoires. Et donc c'est vraiment la genèse, c'était vraiment la disponibilité et les matières qui étaient inutilisées autour de nous, où on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette matière avant même de vouloir fabriquer des vestes. On s'est dit il y a des toiles de tente, qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est de fil en aiguille qu'on en est arrivé à la veste, parce que imperméabilité, du coup il y avait un sens et un lien logique entre les deux. Alors restons sur la matière première de vos créations chez Petit Q, c'est aussi créer un réseau en récupérant auprès d'entreprises des badges publicitaires, si je comprends. Oui, chez Petit Q, du coup, on a plutôt deux axes. L'axe, comme Romain vient d'expliquer, en partant du constat qu'il y a beaucoup, moi j'appelle ça des stocks dormants, mais en fait, des fins de rouleau qui sont inutilisées par pas mal d'entreprises parce que pas assez de matière pour reproduire. Des matières saines qu'on rachète en fait. Moi j'ai fait le choix de le faire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour limiter l'impact transport aussi. Et à côté de ça, ça fait 6 mois en fait que je suis lancée. Donc je travaillais en entreprise avant. Et je sais qu'il y a beaucoup de PLV, beaucoup de badges publicitaires pour les entreprises. Comme ici où vous avez des kakémonos, des badges publicitaires qu'il faut renouveler régulièrement. Et donc comment réutiliser en fait ces badges publicitaires sur les entreprises. Alors on va dire la vérité, nous on essaye de garder ces badges le plus longtemps possible parce que c'est un budget aussi. Oui. Et voilà. Mais on sait qu'il faut les même si les entreprises sont bicorp, donc c'est une norme qui est très importante pour nous parce que ça valorise aussi justement de pas renouveler aussi souvent que ça les badges publicitaires, mais au bout d'un moment, il faut le faire. Donc, on essaye de trouver des alternatives. Et ça, en partenariat justement avec 909 et leur atelier, essayer de co-construire aussi avec Guillaume vraiment un maillage stéphanois pour aider tout le monde et travailler en résonance. Alors ça, c'est la création aussi d'un collectif qui sera abordé. On reste sur la matière première. Hein. La matière première pour signer Clovis, ça vient d'où en fait tous ces tissus que vous utilisez, ce coton, etc. Alors le tissu, il est tissé en France, mais le coton, non, on ne fait pas de coton en France. J'ai envie de dire fort heureusement, peut-être que dans 20 ans, on se retrouvera à cette même table et on dira d'autres choses. Il y a deux producteurs mondiaux de coton, c'est la Chine et les US. Et pour le coton bio, du coup, ça vient des US. Et après, une fois qu'il est venu des US, par contre, il est traité en France de A à Z. Donc il y a le tissage, il y a la teinture, il y a les différentes étapes avant d'en avoir une chemise. Voilà, donc là on s'approche autour du savoir-faire, de la compétence et puis de la fabrication. Vous fabriquez vous ou vous faites fabriquer? Heureusement je ne fais pas mes chemises moi-même, sinon il y aurait quelques problèmes de qualité. Je fais fabriquer, moi je vais chercher des compétences où elles sont, je vais chercher les industriels. Donc on parle de petites industries, hein, on parle de 10 salariés, 50 salariés. Mais ce sont ces industriels que je cherche à mettre en avant. Moi par contre, en créant des produits, en créant cette marque Signé Clovis, et après en la commercialisant comme aujourd'hui à Tatou Juste. D'accord. Alors du coup, on les cherche où ces industriels, ces personnes qui créent, qui fabriquent? Est-ce qu'on va rester rester dans l'idée du local. On sait que le coton, on sera obligé de le faire venir, mais est-ce que là, vous avez la volonté d'aller chercher des gens autour de vous ? Je vais chercher alors des gens autour de moi le plus possible. Les étiquettes, c'est la passementerie. La passementerie, c'est Saint-Étienne, c'est le Pilat. Donc mon fournisseur d'étiquettes est à Saint-Étienne. Donc là, il y a une grande évidence. Après, il y a des savoir-faire qu'on va chercher là où ils sont. Les boutons, c'est issu du tournage. Le tournage, c'était le Jura, par exemple. Donc je suis allé dans le Jura pour aller chercher mon fournisseur de boutons. Je vais aller chercher les compétences là où elles sont. Le textile, il est tissé au niveau de Roanne. Donc on sait qu'à Charlieu, il y a des compétences là-dedans. Et la teinture, elle est faite au nord de Lyon. Donc là, on est vraiment dans un cercle assez restreint. Après, mon objectif, c'est de mettre en avant le savoir-faire français. La confection, j'ai trouvé 4 ateliers quand je cherchais 4 ateliers de confection spécialisés pour la chemise. Autant dire que là, je suis plus à 50 km près. J'ai cherché celui avec qui j'ai envie de travailler pour avoir un produit de qualité et avoir une régularité dans la production. Alors si l'on dresse un peu le paysage un peu du savoir-faire et de l'activité autour de la création textile de vêtements, mais plutôt la création en nombre, en masse, alors en masse avec les guillemets qu'on y met, une chose est sûre, les ateliers ont disparu les uns après les autres, mais quelle est la dynamique de tout ce réseau-là ? Le réseau avec les industriels ? Avec les industriels, est-ce que c'est une dynamique qui est sur une évolution plutôt ascendante ? Est-ce que ça augmente en termes de capacité ? Parce qu'on parle beaucoup de Made in France, après on parlera un peu du mode de consommation, mais vous qui avez fait le tour, est-ce que vous constatez peut-être de nouvelles structures qui s'implantent et qui créent de l'emploi et qui créent et qui fabriquent ? Bah, je pense que pour une nouvelle structure, mes deux voisins pourront en parler mieux que moi parce qu'ils ont fait le salon du Made in France il y a 2 semaines à Paris. Donc des structures, des marques, on en voit chaque année qui apparaissent. Malheureusement, il y en a aussi qui disparaissent dans le silence. Donc je vais focaliser ma réponse plutôt sur les ateliers de production. Je ne crois pas qu'il y ait de nouveaux ateliers de production qui soient nés. Si je parle de mon fournisseur, mon atelier de confection, ils ont tous, s'ils ont passé les années 2000 et 2010, c'est qu'ils ont tous un cheval de course, une marque de luxe importante qui fait leur chiffre d'affaires principal. Et en l'occurrence, le luxe a des difficultés depuis à peu près 2 ans, 3 ans, parce que c'était principalement basé sur le marché asiatique, et le marché asiatique a aussi une certaine contraction, des difficultés. Donc en fait, mon fournisseur est content de m'avoir rencontré, est content d'avoir eu le courage à une certaine époque de dire oui à des petites marques comme moi, qui font pas des gros chiffres, mais qu'il a envie de faire grandir, qu'il a envie d'accompagner, parce que c'est peut-être la somme de ces chiffres petits ou moyens qui feront le manque à gagner que les marques de luxe ne peuvent plus alimenter. Alors pour PQ, vous évoquiez tout à l'heure donc le fait de faire créer en ESAT. Expliquez-nous un peu l'idée et comment ça se développe et voilà les différentes étapes, les différentes rencontres. Moi, c'était une vraie volonté du coup de faire produire en ESAT. Donc l'ESAT, c'est un établissement pour les travailleurs en situation de handicap ou en réinsertion sociale. Mon ESAT est situé à la Perronnière, c'est l'ESAT des ateliers du GIE. Je travaille avec elle du coup depuis 1 an, depuis la fondation de Petit Q. Ça demande beaucoup de temps puisque c'est des personnes qu'il faut beaucoup accompagner. J'ai 10 couturières et 4 à peu près qui sont dédiées pour Petit Q. Je dis couturière parce qu'il n'y a malheureusement pas assez d'hommes, à part la personne à ma gauche qui coud, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, j'ai que des couturières avec moi. C'était une volonté parce que j'ai des valeurs fortes sur le handicap et l'inclusion et je tenais à ce que l'entreprise TQ fasse ce savoir-faire. On a co-créé et en tout cas co-fondé ce coussin qui soit facile pour elle à coudre et qui ne soit pas une contrainte. Parce qu'il y a quand même des capacités physiques qu'il ne faut pas négliger, mentales aussi. Donc c'est pas évident, c'est beaucoup d'efforts pour elle, mais elle me le rend bien puisque moi j'y vais 3 fois par semaine, 3 demi-journées par semaine pour les accompagner et on développe petit à petit des produits. Et ce que je disais tout à l'heure sur les produits qui sont plus complexes, type un poncho qu'on a du coup co-créé avec Romain et Léo, où là je m'adresse du coup à un personnel, on va dire, un peu plus qualifié, si je peux dire. Alors voilà, Romain, vous avez été cité, vous êtes la personne qui coud. Alors effectivement, ce processus de fabrication chez 909 Upcycling, il se passe où et comment ? Alors, donc 909, pour recontextualiser, on existe depuis 2020. Enfin, l'idée, elle est née après le premier confinement, au moment où j'ai revu mon associé d'aujourd'hui, Léo, du coup, qui est pas présent avec nous, mais avec qui on a monté la marque. Et à ce moment-là, nous, on n'avait pas d'atelier, on n'avait rien, on avait juste un petit appartement d'une soixantaine de mètres carrés. Donc, c'était assez difficile de monter un atelier de production à l'intérieur. Du coup, au début, on a sous-traité 100% de notre production dans différents ateliers selon la typologie des produits, parce que ce n'est pas les mêmes ateliers qui fabriquent des jeans, que des t-shirts, que des vestes imperméables. En fait, chacun un peu a ses spécialités. Et il y a aussi une question d'équipement. Parce que par exemple, pour faire une veste imperméable, il faut avoir des machines pour étancher des coutures, chose qu'on ne retrouve pas dans tous les ateliers, et notamment suite au mouvement de désindustrialisation qu'il y a eu dans les années 90-2000, où on a beaucoup d'équipements qui sont sortis du territoire, et où malheureusement, on a aussi perdu des compétences. Donc heureusement, dans les années, vous en parliez un peu avec Guillaume, mais dans les années 2010-2015, il y a eu un mouvement autour du Made in France avec des marques comme 1083, comme Le Slip Français, qui tentent encore aujourd'hui de refaire venir du savoir-faire sur le territoire. Mais il y a des gros enjeux d'équipement, de formation aussi, parce qu'il y a moins de jeunes qui sortent d'école de couture qu'auparavant. Donc même parfois quand on a la volonté de faire du Made in France, on peut être confronté à des difficultés en termes de trouver du personnel, trouver des machines. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un sujet auquel on pense pas forcément, mais qui existe. Et du coup, nous, on a décidé au fur et à mesure, en grandissant et au fur et à mesure que la marque grandissait, d'internaliser une partie de la production. Aussi pour éviter de passer par des sous-traitants et de maîtriser notre chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, on a un atelier qui fait 200 à 250 mètres carrés, qui est basé dans le cœur de Saint-Étienne, dans lequel on fabrique une partie des produits qui sont commercialisés sur le site, et avec une vocation et une envie de pousser encore plus loin à terme. Mais ça viendra avec le temps et avec nos capacités de financement aussi. Alors, une partie produite à Saint-Étienne, l'autre partie ? Donc ça va dépendre des produits. Comme je disais, ce qui va être, on fabrique des t-shirts par exemple qu'on fabrique à Riorge avec une entreprise adaptée qui s'appelle Itac. Sur les vestes, quand on fait des grosses séries, aujourd'hui on travaille avec un atelier qui est en Tunisie. Parce qu'en France, c'est très difficile sur du vêtement technique de trouver des ateliers qui ont ces compétences-là. Ça existait, il y en avait beaucoup dans les années 90-2000 quand vous aviez des marques comme La Fuma, Millet qui produisaient en France, sauf qu'aujourd'hui tous les vêtements techniques, très peu sont fabriqués en France. Du coup, depuis qu'on a notre nouvel atelier, donc à peine un an, nous on a décidé justement de racheter une machine à étancher par exemple, qui permet d'étancher les coutures, et sans quoi on ne peut pas fabriquer de vestes même si on a envie d'en faire. Et donc là, on commence sur des moyennes séries à fabriquer des vestes, des ponchos, des vêtements techniques. Et du coup, l'idée, c'est de monter en compétences et de progressivement réinternaliser un maximum de production dans notre atelier. Alors, la production locale Made in France a un coût, et c'est une réalité. C'est une réalité face au consommateur qui va se retrouver devant vos produits avec, de temps en temps, des interrogations en disant « Tiens, ça coûte cher ». Mais on comprend un peu pourquoi ça coûte cher. Effectivement, c'est pas accessible à tous. On est d'accord, si l'on regarde signé Clovis, la chemise est assez onéreuse. Après, vous le justifiez forcément de la production localisée en France, mais de la qualité aussi. Oui. Ma chemise, elle coûte 10 fois plus cher que la chemise à Chine qu'on peut acheter en 5 minutes sur un téléphone et se faire livrer 4 jours plus tard. Mais elle est aussi quasiment 10 fois moins chère que les chemises les plus chères de luxe de marque parisienne ou de maisons de haute couture. Donc en fait, voilà, la notion de prix, elle est très relative. Il y a 1h30 de travail sur une chemise. On espère tous que le personnel qualifié qui est derrière a une rémunération qui soit aussi qualifiée à hauteur de l'expérience. Et pour faire une couturière entre guillemets chemise, il faut déjà trouver des couturières et ensuite les former 1 an et demi pour faire de la chemise. Donc, un jour ou l'autre, le taux horaire du couturier ou de la couturière, on le retrouve dans le prix du produit, et c'est tout à fait logique, parce qu'on espère que ces personnes vont aussi pouvoir acheter un peu de Made in France quand ils ont leur salaire à la fin du mois. 909 Upcycling, c'est du vêtement technique, donc c'est peut-être des personnes qui vont chercher, alors signé Clovis, on va chercher aussi la qualité, mais le vêtement technique a aussi cette fonctionnalité d'imperméabilité, etc. Pareil, là, au niveau tarifaire, vous vous placez comment face à des produits, entre guillemets, similaires? Donc nous, nos vestes imperméables, on va être dans la même gamme de prix que ce que vous pouvez trouver comme, enfin, chez Kawe par exemple, à la différence que voilà, nous, notre cœur de métier, c'est l'upcycling, c'est de faire des vêtements avec du réemploi, avec des matières du coup qui ont un impact très faible sur la planète, parce que genre on a collecté des toiles, enfin il n'y a pas eu de transport ou très peu, enfin c'est des toiles de tente qui sont collectées sur le territoire, et il n'y a pas eu de besoin de dépenser de l'énergie pour faire tourner des machines pour fabriquer ce textile là donc nous vraiment le cœur du projet c'est à la base l'impact écologique, enfin c'est-à-dire c'est créer des produits avec le plus faible impact possible, et ensuite le Made in France est venu au fur et à mesure, comme je l'expliquais, qu'on est monté en capacité et qu'aujourd'hui bah tous nos accessoires, on fait des pantalons, on fait énormément de produits qui sont fabriqués dans notre atelier. Et j'ai oublié votre question de base. Question de base, c'était effectivement ce tarif se justifie par la fonctionnalité du vêtement. Oui, et le tarif, c'est une question très intéressante. Déjà aussi, ça dépend de comment on souhaite commercialiser nos produits. Donc, est-ce que je souhaite commercialiser mes produits en direct? Et auquel cas, bah, toute la marge entre guillemets que je vais faire sur le produit, elle va me revenir. Ou est-ce que je souhaite le distribuer, donc passer par exemple par des magasins indépendants, qui eux forcément vont prendre une part du prix final du produit. Et donc selon le choix qu'on fait, déjà on est obligé de caler nos prix en fonction de ce choix stratégique. D'un côté, on va vendre plus parce qu'on va être distribué, mais on va pas gagner beaucoup sur ce qu'on va vendre, et donc on va être vraiment obligé de proposer des prix attractifs, alors que nous, au plus possible, que ce soit avec Guillaume et Cécile, on essaye de développer nos propres canaux de distribution, c'est-à-dire vendre par nous-mêmes sur un événement comme aujourd'hui à Tout Juste. Sur internet, parce que du coup au moins on peut proposer le prix le plus juste possible, et donc voilà, c'est cette notion là du qu'est-ce qu'un prix juste, c'est très complexe, parce que en effet ça dépend de comment est fabriqué le produit, ça dépend de quel est un t-shirt, combien ça coûte, est-ce qu'un t-shirt ça devrait coûter 15 ou 45 euros. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est habitué à avoir beaucoup de t-shirts à 15 euros. Donc, on pourrait se dire un t-shirt, ça coûte 15 euros. Mais en réalité, si on prenait vraiment conscience que chaque couture a été faite par une couturière qui a utilisé ses deux mains derrière une machine, peut-être que la valeur juste et intrinsèque en fait, d'un t-shirt, c'est 40 euros. Et qu'aujourd'hui, c'est juste que les valeurs des vêtements sont un peu dépréciées parce qu'on est... Voilà, on subit aussi toute cette production de masse. On subit ces productions de masse. On a pris des habitudes aussi, ça c'est une réalité. Hein, le consommateur a aussi pris ces habitudes-là. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait de faire revenir le savoir-faire. Alors ça, c'est aussi compliqué. Vous êtes dans la formation avec l'ESAT. C'est aussi une forme d'apprendre et de développer un savoir-faire. Et il existe un point commun entre vous trois, hein, c'est aussi la volonté de se rassembler ensemble, c'est le collectif 13, hein, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est exactement? 13 pour textile responsable éthique solidaire de Saint-Étienne. 13, c'est un collectif qui est naissant, on travaille dessus depuis à peu près un an. C'est la simple prise de conscience qu'on est sur une filière qui est tendue, qui est sportive. On voit qu'il y a encore des pans de la filière qui sont en train de tomber. Et pour autant, tous les industriels du secteur n'ont pas trouvé de solution. Donc nous, petits, entre guillemets, on ne va pas avoir des idées plus miraculeuses. Par contre, à plusieurs, on est capable de trouver des solutions qu'on ne trouvera pas tout seul. On est capable d'avoir une énergie, une dynamique qu'on n'a pas tout seul. Le fait aujourd'hui de se retrouver tous les trois sur Tatou Juste, c'est que bah, on peut aussi s'entraider sur le salon à un moment donné, on peut faire ci et faire ça. Donc le but de Tress, il est simple, c'est faire en sorte que les acteurs de la filière textile au niveau stéphanois puissent vivre mieux, simplement mieux, de leur travail. Et après, on va mettre des actions en place pour mettre en avant les acteurs, les marques, et toucher le grand public le plus possible. Alors, vous êtes trois ici à représenter le collectif Tress. Est-ce qu'il y a d'autres structures, d'autres personnes qui en font partie ? Il y a des structures comme un lieu partagé avec de la compétence et des machines à disposition. Il y a des magasins, typiquement, qui peuvent mettre en avant nos produits, parce que nous, on va chercher des corners, on est porteur de marque, on va chercher des corners à des endroits pour être visible. Le magasin, lui, va peut-être chercher des produits novateurs pour attirer une clientèle. On sait que le commerce, que ce soit à Saint-Étienne, à Lyon, Paris, quelle que soit la ville de France, on sait que le commerce est en tension. On a aussi des acteurs de la formation avec le lycée Testu. Donc l'idée, c'est de recouvrir quasiment tous les métiers de la filière. Il nous manque peut-être encore un peu, s'il y avait un appel à faire, ce serait plutôt du côté des industriels, où on espère un jour pouvoir les avoir avec nous pour être encore plus puissants. Alors en off, hier, au travers d'une discussion lors de ce salon-là, c'était aussi se poser la question que la production locale, c'est la création d'emplois locaux, donc acheter local peut aussi finalement favoriser la création d'emplois, ça c'est important. À terme, aujourd'hui, ça fait vivre combien de personnes vos différentes structures ? Donc nous chez 909 depuis donc on est 4 aujourd'hui, on reste une petite structure mais donc on a fait notre première embauche en CDI au mois d'avril, justement lié à ce que j'expliquais tout à l'heure, au fait qu'on relocalise une partie de notre production. Du coup on a pu embaucher une personne qu'on a formée, et ensuite on a une personne qui s'occupe plus du développement des produits, qui est ce qu'on appelle modéliste dans le secteur, et qui fait les patrons que vous retrouvez ensuite sur nos produits. Pour vous, Cécile, donc c'est vous, et puis pour moi c'est moi, voilà. Moi je suis toute récente, hein. Ouais. Moi j'ai eu l'idée il y a 3 ans, mais je suis créée depuis juin. Donc voilà, petit cul, ça a pas, c'est pas très vieux, mais on espère que ça va durer très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai 4 couturières à l'ESAT qui travaillent pour moi à temps plein. Voilà. Donc de l'emploi entre guillemets indirect. Et vous, Guillaume ? Moi, c'est prioritairement de l'emploi indirect. Moi, je travaille avec des fournisseurs qui ont leurs compétences. Je vais chercher des compétences. En effet, on parlait de modélisme, stylisme. Je vais chercher ces compétences-là et je vais payer des personnes plutôt à l'action pour l'instant. Et donc, dans l'entreprise, pour l'instant, je suis seul à faire les différentes tâches. Et après, à terme, en effet, ce sera soit un métier de communicant, soit un métier de stylisme, qui sera probablement le premier emploi chez Cineclovis. Alors justement, à terme, c'est quoi les objectifs en fait ? Parce que quand on crée son entreprise, on imagine le développement. Aujourd'hui, si l'on parle de Cineclovis, vous en êtes à quel niveau du développement ? Alors, ça évolue tout le temps, mais voilà, par rapport à l'idée de départ, au lancement, à son quotidien, vous vous situez comment ? Eh bien, je m'étais focalisé la première année pour déjà valider le produit. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on teste quelque chose. Le seul moyen d'être sûr que ça corresponde à un besoin, c'est d'aller sur le marché, c'est de le présenter à la clientèle. Donc la première année, je n'ai pas fait beaucoup de développement. J'avais très peu de couleurs, j'avais très peu de variété, diversité produits. La deuxième année, je me suis donc focalisé sur le fait de développer des produits, développer une gamme produits simplement. J'ai de la chemise, qui est le produit le plus cher, mais j'ai aussi des accessoires du masculin, de l'élégance masculine, fabrication française et éco-responsable, qui va permettre aussi de voir comment interagir avec cette clientèle. Et je vais me focaliser sur 2026, du coup, l'année prochaine, pour rentrer dans un développement, l'utilisation de la chemise, parce que moi, l'objectif final, c'est quand même d'aller faire de la précommande sur de la chemise. En gros, on a à peu près un mètre carré de tissu sur soi. Il a une base blanche, par exemple. Bon, je peux faire des imprimés, je peux m'amuser avec le tissage, je peux changer le col, je peux changer la longueur des manches. Je peux basculer sur du lin au lieu d'utiliser du coton, le lin qui serait produit en France, par exemple. Et l'idée, ce serait de proposer plusieurs fois par an à mes clients, sur un système de précommande, des nouveaux produits. Donc voilà, étape par étape. Déjà, se stabiliser sur le produit, c'était de 2024 et 2025. Et après, 2026, proposer plus. Pour vous, Romain, sur la feuille de route, j'ai été happé par Guillaume. Est-ce que sur la feuille de route, vous êtes à l'heure ? On est, oui, enfin, dans un sens oui, dans l'autre on est un peu toujours en retard et on court après le temps en permanence. Nous, on a des vrais enjeux, mais comme chacun ici, de développement, de visibilité, d'où aussi l'importance du collectif. C'est parce qu'on est beaucoup de petits et beaucoup de petits ensemble, on est plus visible, on peut faire, on communique plus et du coup, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc nous, c'est des enjeux de développement, de distribution. Comme l'expliquait Cécile aussi, on travaille beaucoup avec les entreprises, donc notamment du département et de la région, auprès de qui on peut récupérer tous les déchets textiles qui sont générés, donc des bâches publicitaires, des kakémonos, tout objet de communication, et avec lesquels on peut créer et produire des produits personnalisés. Du coup, on a un vrai enjeu de développement à ce sujet-là, et ensuite toujours élargir notre vestiaire. Parce qu'en effet, quand on propose une veste imperméable, qui est un produit technique qui est assez cher, on a besoin aussi d'avoir des produits plus abordables pour différents usages, que ce soit pour le voyage, pour le vélo, pour la randonnée. Donc on a un enjeu aussi d'élargissement de notre gamme de produits. Voilà, et Cécile, vous l'avez expliqué, c'est le lancement. Donc on va attendre la première année. C'est toujours une échéance importante. On est dans le mois de l'économie sociale et solidaire, où on parle beaucoup d'emplois, mais des emplois qui sont issus d'associations, etc., où on a finalement une participation, entre guillemets, de l'État par le biais de subventions, etc. Est-ce que l'État vous aide ou apporte des solutions à la création d'entreprises et puis au développement? Est-ce que je peux me permettre une remarque quand même? Oui. Associer ESS et subventions, c'est une faute? Non, mais oui, c'est pas. Corrigez-moi. Non, je crois que les chiffres nationaux, c'est de dire que l'ESS représente 15% des emplois et n'obtiendrait ou ne toucherait que 7% du montant total des subventions. C'était une faute. Grossière. Grossière faute. Mais justement, est-ce que vous êtes aidé? Est-ce qu'il y a des dispositifs auxquels vous pouvez essayer de bénéficier de ces dispositifs-là en tant que créateur d'entreprise? Est-ce que ça existe aussi? Est-ce que c'est un coup de main? Moi, si vous voulez, je peux répondre. Moi, je suis créée en ESS, du coup, depuis juin. Par rapport à ça, je me suis fait aider par Saint-Étienne Métropole sur la création, l'aide à la création, puisque ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est important, c'est comme sur le coût des matières, créer une entreprise qui n'est pas une auto-entreprise, donc une vraie entreprise, une URL, une SASU, une SAS, ça coûte de l'argent. On est obligé d'avoir un expert comptable, on est obligé d'avoir un avocat, parfois des locaux. Enfin voilà, ça coûte de l'argent. Et la création d'une entreprise, ça coûte environ entre 1 000 et 2 000 euros. Donc c'est des frais engendrés plus un capital à mettre. Moi, j'ai eu la chance d'être subventionnée pour la création de mon ESS en partie par Saint-Étienne Métropole. Donc c'est important de le souligner parce que je pense qu'aujourd'hui, sur ce salon local, c'est quand même important de mettre en avant les institutions qui nous aident. Par la même occasion, je vais prendre aussi la parole, mais parce que je sais qu'on a été aidé aussi par un incubateur qui n'est pas subventionné par l'État, mais qui s'appelle Entreprendre dans la ville. Oui, c'est qui une est issue de Sport dans la ville, qui est issue de Sport dans la ville, voilà, où les garçons sont incubés. Moi, j'ai eu la chance de tester pendant 6 mois, 2 jours par semaine, mon produit. Et j'ai la chance aussi d'être incubée par l'Université Jean Monnet. Donc c'est les locaux à la Cité du Design où on a beaucoup d'ateliers, où on nous aide à tester, mais pas que, à aussi grandir, à se développer. Et comme un peu le collectif 13 qui nous aide dans le textile, ces regroupements d'entrepreneurs, c'est important parce qu'en fait, ça nous aide à tenir parce que, comme disait Romain, on est toujours en retard, mais aussi on est toujours partout. Donc là, on rentre du salon du Made in France où pendant 4 jours, on était sur un salon. Et en fait, après, il faut produire, il faut honorer les commandes, il faut respecter tout ce qu'on a dit et mis en place pendant le salon. Donc c'est vraiment de tous les jours. Voilà. Il n'y a pas trop de... même la nuit. De temps mort. Guillaume, vous vouliez réagir et compléter? Oui, dans les dispositifs d'entrepreneuriat, il y a aussi la métropole qui accompagne et qui héberge des entrepreneurs dans les pépinières, où l'objectif, c'est d'être justement hébergé sur les 3 premières années quand on est fragile. Et moi, en tout cas, c'est la première entreprise que je crée, donc j'avais tout à découvrir en termes de, en effet, comptabilité légale, au-delà du textile. Donc il y a aussi la métropole qui investit sur les pépinières. Et puis d'autres structures telles que la MIF qui accompagne, et puis l'ADI, me semble-t-il, avec des systèmes de financement. Effectivement, la correction est bonne hein, sur le financement public des entreprises. C'était juste la question sur le fait, voilà, quand on est, sans être péjoratif, petit, on est seul, donc on a peu de poids, et c'est peut-être tout l'intérêt de développer et de vous rassembler, et notamment ce collectif 13. Où est-ce qu'on retrouve, alors, les informations sur le collectif? Est-ce qu'il existe quelque chose déjà pour des personnes qui voudraient vous rejoindre? Alors sur le collectif, on n'a pas encore de site internet. Le nom est sorti à peu près cet été, la charte visuelle aussi. On a des moyens, les moyens du bord pour l'instant, et on aura des flyers de présentation, on aura tout ce qu'il faut forcément à terme pour pouvoir communiquer un peu plus dessus et aller rassembler encore un peu plus. Voilà, et puis vous êtes facilement joignable via vos différents sites internet. On vous retrouve avec des contacts assez aisés. Alors on a un peu de public ici, on arrive à la fin et au moment de cette discussion où l'on propose au public de poser des questions à nos intervenants. Si vous avez des questions, si vous voulez compléter, si vous avez peut-être des éléments à nous apporter, n'hésitez pas, vous pouvez demander le micro. Visiblement, Lionel, on arrive à la fin de notre marathon radiophonique. En tout cas, moi, je vous remercie, donc Cécile Bayard de PQ, Guillaume Recarbet de Signé, Clovis et Romain Coll de 909, je vais arriver, Upcycling. Ça prouve, là, quand on hésite comme ça, que c'est la fin de ce long week-end Tatou Juste. Alors, merci d'avoir participé à cette émission. Nous, on vient là chaque année, donc on espère et on souhaite vous retrouver l'année prochaine à l'intérieur de ce salon. Merci à vous. Et Lionel, nous, on va se quitter peut-être en musique. Oui, tout à fait. C'était le dernier rendez-vous de cette journée en termes radio. On rappelle que le salon, enfin en tout cas ce rendez-vous de la transition écologique est ouvert au public jusqu'à 18h. Ce sera la fermeture des portes publiques. Et il y aura à 17h, c'est les 20 ans, la sorte de cerise sur le gâteau ou bougie sur le gâteau. Ce sera la grande tombola qui sera donc proposée, tirage au sort, à partir de 17h. C'est donc dans une dizaine de minutes. Nous, on va laisser couler un peu de programmation musicale pour vous accompagner sur cette fin d'après-midi. Et puis, on reprendra tout à l'heure la parole pour aussi faire notre décrochage antenne, comme l'on dit. On rappelle juste que nos stations sont en direct ici, étaient en direct durant ces deux jours, que l'ensemble des rendez-vous que l'on a proposés en termes d'interviews ou de table ronde seront mis en ligne très prochainement sur nos sites respectifs. Donc vous pourrez retrouver tout cela prochainement. Merci en tout cas aussi au public d'être venu sur cet espace radio, et on vous souhaite une bonne fin de journée et de salon.